océan bleu profond, noir et scintillant, tel un oiseau elle flotte dans le firmament. Tous ses sens s'en réveillent, le sixième est travers, guide de l'ange marin, porté par ses ailes. Yeah.